Les matelots du bateau battant pavillon mongol Glory Hope 6 ont tenu le 16 courant au port de Wonsan un rendez-vous de solidarité pour la réunification indépendante de la Corée. Les orateurs ont dit que le dirigeant suprême Kim Jong-un a éclairci dans son historique message de Nouvel An la position de principe, les tâches et moyens pour opérer une nouvelle apogée dans l'amélioration des rapports Nord-Sud et le mouvement de réunification. Et ils ont témoigné de la solidarité absolue à la lutte du peuple coréen pour la réunification du pays. Finalement, ils ont adopté une lettre à l'adresse du dirigeant suprême coréen.